Ibo, Ibo, Ibo, Ibo, moi le cache chez Ibo, pas qu'à tout faire Ibo, au cassé Ibo, qui côté au carité, pas qu'à tout faire Ibo, peuple à bise Ibo, Ibo. Y vos y Ibosi mo kada naka, ibosi mo kada naka, ibosi mo kada naka.